la Terre. Planète peuplée d'individus pleins d'eau et de carbone, elle est située à quelque encablure de l'étoile appelée Soleil, mais mieux connue par les membres de la confrérie des Démiurges comme l'étoile Chouchou. Son climat est tempéré lorsqu'il n'est ni trop chaud ni trop froid. Le calme y règne, sauf en période d'affrontement du type groupement cellulaire A contre groupement cellulaire B. Exemple 1. Monsieur Smith, groupement cellulaire A, apprend que son abonnement à Tricot Mon Ami a été interrompu suite à la destruction des presses de la pelote de laine compagnie par un rayon cosmique d'origine inconnue. De rage, il se rue sur le facteur, groupement cellulaire B, et lui mange une oreille. Exemple 2. Les moutons des Pyrénées, en ayant ras-le-bol d'être tondus, forment un syndicat. Les grèves font suite aux grèves, mais aucun accord viable n'apparaît. Exaspérée, Lavande, déléguée au personnel du troupeau du père Jacques, décide de son propre chef de faire appel à un groupement ovin extraterrestre radical ayant des intérêts communs aux siens. Celui-ci, groupement cellulaire A, s'attaque alors une nuit de printemps à l'aide d'un rayon cosmique aux presses de la pelote de laine compagnie et aux journalistes indépendants, groupement cellulaire B, qui y travaillent et qui se trouvent, du coup, zombifiés. Malgré les nombreux inconvénients de cette planète, certains avantages sont à dénombrer. C'est encore la seule planète connue où la vie pour les entités carbonées soit possible. Les moutons n'y sont pas encore vénérés, si ce n'est par un petit groupe de journalistes zombifiés. Le Père Noël y habite et lutte à grands coups de joujoux dans le ventre contre les vilains garnements. C'est aussi la seule planète connue où certains hôtels, pas tous hélas, vous donnent en cadeau des savonnettes qui vous permettront d'ajouter une pièce à votre collection. Joie !